Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur TM. Bonjour à tous et merci Sofiane de m'avoir invité, ça fait grave plaisir. Eh bien, plaisir partagé, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Alors, en effet, j'ai deux anecdotes à raconter que j'ai sélectionnées, qui sont les deux dernières qui me sont arrivées, deux dernières scènes. Alors, je vais commencer par la première qui est pour moi la pire. Je pense que ceux qui ont TGV Max vont comprendre de quoi je parle. Mais en fait, il se trouve que quand t'as TGV Max, ça te vend du rêve. Du genre... Tu voyageras quand tu veux. Voilà, où tu veux, quand tu veux, et gratuitement. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Tu voyages à peu près où tu veux, à peu près aux horaires qu'on a décidé, si jamais c'est pas complet. S'il y a de la place, voilà, c'est voilà. Ça. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et j'ai dû faire une scène juste avant. Enfin, juste avant le reconfinement, j'avais fait une scène à Nantes. Et ce qui s'est passé, c'est que entre Bordeaux et Nantes, il n'y a pas de TGV Max. Genre, vraiment, il n'y en a aucun. Du coup, ce qu'il fallait que je fasse, il fallait que je passe par Paris, qui était un trajet gratuit. Et ensuite, donc, je faisais Bordeaux-Paris, trajet gratuit. Paris-Nantes, trajet gratuit. Voilà, c'est juste que Bordeaux-Nantes directement. Non, c'est payant, quoi. Voilà, d'accord. C'est ça. Donc, ouais. Donc déjà, ça fait que j'ai dû faire un détour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'avais trouvé le moyen d'y aller. Donc, je faisais juste le petit détour par Paris. Mais après, pour rentrer, c'était plus compliqué. Parce qu'il s'avère que normalement, ce que je devais faire ce soir-là, c'est que je devais aller jouer à Nantes et le lendemain, je devais aller jouer à Nîmes. Donc, ah oui, t'étais à deux opposés, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en gros, je devais faire Bordeaux-Paris, Paris-Nantes, Nantes-Nîmes, Nîmes-Bordeaux. Le tout en à peu près 48 heures. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc déjà, là tu sens que tu vas bien galérer dans le train, que tu vas passer tout ton temps dedans. Oh là là. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que ma scène à Nîmes a été annulée. Ah, d'accord. Et j'avais déjà mes billets. Donc en gros, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, j'ai TGV Max, donc je vais faire Bordeaux-Paris, Paris-Nantes, puis Nantes-Paris, Paris-Bordeaux. C'est ce qu'on verrait de logique, ouais. Et ben, TGV Max a décidé que non. Et du coup, entre Nantes et Paris, c'était redevenu payant parce que je m'y étais pris trop tard. Oh. Donc, ça fait que là, si j'allais à ma scène à Nantes, j'étais bloqué à Nantes. Donc, j'ai dû trouver un autre moyen de rentrer chez moi. Ouais. Et j'ai dû... vraiment, j'ai cherché partout. Genre, un passage par Poitiers, un passage par Lille. Vraiment, tout ce qui est possible et imaginable. Ouais. Et le mieux que j'ai trouvé, au final, c'était de passer par Montpellier. Donc ça fait que pour résumer, j'ai dû faire Bordeaux-Paris, Paris-Nantes, Nantes-Montpellier, Montpellier-Bordeaux. Dis-moi, et ça s'arrête pas là. Vas-y, ah oui, non, parce que j'allais dire, est-ce qu'on serait pas sur le sketch du train pour Pau? Le train pour Pau? De Chevalier et Las Palès. Je l'ai jamais vu. C'est leur grand classique, il faut que tu regardes. Ah oui, quand il dit oui, alors vous étiez allé. Il y a un changement. Donc il dit pour aller de Paris à Pau, il y a un changement à Rennes, il y a un changement à Strasbourg. Tu vois, donc c'est des trucs improbables. Ben, c'est à peu près cette idée-là, parce qu'en plus, c'est pas fini, figure-toi. Ouais. Donc, je suis passé par Montpellier pour rentrer chez moi après la scène de Nantes. Sauf qu'à Montpellier, j'aurais pu être bloqué. Parce que disons qu'en gros, j'arrivais à une gare à Montpellier et que pour rentrer chez moi, je devais aller jusqu'à une autre gare qui était elle aussi à Montpellier. Ah oui. Attends, il y a la gare Saint-Roch. Ouais. Et il y a l'autre gare, c'est quoi? J'ai oublié le nom, mais en gros. Parce que je crois que j'y suis allé pour aller à Valence, moi. Ouais. J'y suis allé pour aller à Valence, il y avait la gare de Montpellier, et puis après, il fallait vite aller à l'autre. Moi, c'était l'inverse. Moi, j'arrivais à une gare qui était très loin de la ville, et après, j'allais à Saint-Roch qui était dans le cœur de la ville. Donc, il fallait que tu ailles dans l'autre gare, et je crois que c'est le tram qui y va. Alors, le tram, il y est, mais vraiment à mi-chemin. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à une heure de marche, et que du coup, j'ai dû marcher à peu près 30-40 minutes. D'autant qu'il faut savoir un truc, c'est que mon train était à une heure d'intervalle entre le moment où j'arrivais et le moment où je devais repartir. C'est ce que j'ai eu aussi et j'ai dû speeder, j'ai réussi à avoir mon train, mais c'était chaud quand même. Eh ben c'était très chaud pour moi aussi. D'autant qu'à ce moment-là, je revenais de Nantes et qu'à Nantes, j'ai eu miraculeusement un hébergement parce que en général, ce que je fais quand je vais jouer dans une ville, c'est j'improvise sur place et si je dors pas, ben je dors pas. Donc là, j'avais réussi à être logé et à dormir dans le train. Mais franchement, il suffisait d'un seul retard que ce soit le retard de, du train. Comme des dominos, quoi. Voilà, c'est ça. Il suffisait d'un truc et j'étais bloqué soit à Paris, soit à Nantes, soit à Montpellier. T'sais, je pouvais être bloqué n'importe où à ce moment-là. Donc je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais vraiment galéré et j'ai... En gros, j'ai traversé toute la France en 24 heures, quoi. Tout ça pour une scène de 10 minutes. Et j'espère que c'était 10 bonnes minutes quand même. C'était 10 bonnes minutes. Heureusement, ça s'est super bien passé. 24 heures, je pense que sur les 24 heures, j'ai passé 12 heures dans le train. Oh là là. C'était... Il fallait trouver l'occupation, quoi. Fallait pas avoir peur de s'ennuyer. Alors, évite d'utiliser les mots train et occupation dans la même phrase. Bien trouvé, celle-là. Ah ouais. Punaise, même dans mon podcast, on arrive à atteindre le point Godwin. Ah. Ouais, bravo. Je crois pas qu'on l'ait déjà atteint dans ton podcast. Justement, tu es le premier, mais... Waouh. Donc ouais, donc t'as vraiment galéré et... Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça fait une belle anecdote. La bonne nouvelle, c'est que ouais, et que surtout, ça a fait une très très bonne scène. J'étais vraiment content de là où j'étais allé et... Mais je pense que quand t'as vu la galère que t'as eu, genre tous les trains que t'as dû prendre et tout machin, t'as dû te dire, tu sais quoi, ces 10 minutes-là, je vais déchirer sa mère. C'est ça, la satisfaction que j'ai eue de monter sur scène après, vraiment, j'étais là, mais là, les rires, je les ai tellement mérités. Mesdames et messieurs, vous ne savez pas que vos rires, c'est même pas assez par rapport à la galère que j'ai eu pour venir jusqu'à vous. Donc vraiment, riez à vous exploser la rate. Allez-y. Si vous saviez ce que ça représente pour nous, humoristes. Avant de jouer, t'aurais dû leur faire le plan de ton trajet. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des gens de Montpellier ce soir? Tu vois, tu fais ta petite enquête et puis là, bim, tu leur balances ton sketch. Voilà. Ah, pas bête. Et pas oui, bête. Bien sûr, c'est comme ça. C'est la fameuse blague de Nordine que j'aime beaucoup. Moi la aussi. Blague du j'ai fait genre j'ai fait, 800 km, ouais, 600 km pour venir vous voir. Donc si c'est drôle, on rigole. Si c'est pas drôle, on pense au déplacement. J'aime beaucoup cette blague. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Bon, et alors du coup, pour ce qui est de la deuxième, c'est une galère un peu plus légère parce qu'au final, c'est une scène qui s'est à peu près bien passée. Mais en fait, là où c'était galère, c'était dans les conditions où j'étais. En fait, c'est une galère qui m'a beaucoup appris, honnêtement. C'est une galère qui m'a beaucoup appris, honnêtement, parce que j'ai réalisé que en même temps, c'était pas tout rose le métier d'humoriste, et que j'allais devoir travailler avec des gens avec qui je n'avais pas du tout envie de travailler. C'est-à-dire que en gros, j'ai été invité à faire une scène où je tairai le nom parce que sinon évidemment, voilà. Disons que c'était une scène où on n'était pas du tout là en tant que humoriste. Enfin, on était là pour amuser la galerie. Tu vois, c'est le genre de. C'est-à-dire, c'était un repas, c'était. C'était une soirée DJ, ce genre de truc. Ouais, donc où les gens viennent plus pour la musique que pour. Voilà, où ils savent même pas que t'es là. D'accord. Et à un moment, t'as un mec qui prend un micro, il fait. Et au fait, il y a eux là, ils vont faire un passage. Oh. Et à Skip, ils sont marrants, donc on les écoute, s'il vous plaît. Oh là là là là là là, c'est les pires ça. Quand les gens ne viennent pas pour de l'humour, même pas pour toi, parce qu'ils te connaissent pas, mais quand les gens ne viennent pas pour de l'humour, c'est beaucoup plus compliqué de les faire rire. C'est comme s'il y avait une espèce de résistance de leur corps qui disait non, je n'avais pas l'optique de rire, je n'avais pas cet objectif, donc même si c'est marrant, je rirai moins. Ouais, c'est ça. Et puis surtout. Il y avait eu un problème au niveau de la communication, un truc qui m'avait vraiment énervé, des propos qu'ils avaient sortis et où vraiment je pouvais pas, tu vois, où ça allait totalement à l'encontre de tous mes principes, où tout mon corps me disait mais n'y va pas en fait, juste n'y va pas. Ah, des fois on a des intuitions. Hein. Ouais, mais c'est ça. Et bah, au final je l'ai quand même fait parce que j'avais. T'as besoin d'expérience. J'ai besoin de forger. De créer mon personnage et puis surtout de me produire, quoi, tu vois. Donc, et puis dis-toi que quand tu commences, de toute façon, moi le premier, on a tous fait des scènes galères et tout, on accepte tout au début parce qu'on a besoin de se forger justement un style, tout ça, un personnage, trouver son clown, comme on dit. Et le problème, c'est que si tu joues pas, tu le trouveras pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, j'y suis allé et en arrivant sur place, j'étais tellement pas à ma place. Genre, c'était vraiment le genre d'endroit où tu sens que je sais pas un petit blanc comme moi il a zéro sa place. T'as ici. T'as joué dans une chicha ou C'était la même ambiance. C'était pas une chicha mais c'était à peu près la même ambiance, tu vois. D'accord. Et en fait genre quand j'ai commencé déjà je suis arrivé en avance et j'ai vraiment passé une heure dehors à fumer comme si j'étais à l'aise, genre ouais. D'accord. Ouais tranquille, ouais, va ouais, bien. Ouais. Et après donc le moment est arrivé où j'ai joué. Et en fait, quand je commence à jouer, j'ai une première phrase, genre j'arrive pas en disant bonsoir et tout, j'ai une phrase qui déclenche tout le reste. En gros, juste j'arrive, j'arrive sur scène, je regarde les gens vite fait, le temps qu'ils puissent me regarder, et je dis, je suis pas gay. Et en général, ça marche parce qu'il y a la surprise et tout. On ne pensait pas qu'il allait dire ça. Et puis surtout, quand tu vois. Oui, c'est pas la phrase que tu entends en premier d'habitude. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis quand tu sais à quoi je ressemble, ça peut être assez drôle. Et là, j'ai senti dans les rires que c'était. Ils riaient, mais pas pareil que d'habitude. Genre, c'était pas aussi bienveillant que d'habitude. C'est genre. Un peu moquerie, tu vois. Mmh. Et au final, la scène s'est à peu près bien passée. J'ai dû faire du test et tout, mais je me sentais vraiment pas à l'aise, quoi. Genre, il y avait un instinct en moi qui, pendant que je jouais la scène, me disait, je vais pas rester. Faut que je me casse. Et au final, le passage, c'est. C'était à. Ouais, c'est. Mitigé, quoi. C'était mitigé. Puis en plus. En plus, un endroit pareil, je m'étais dit, bon, bah, en vrai, je vais être payé au cachet ou avoir un petit peu d'argent. Non, payé au chapeau, j'ai eu 6 balles, quoi. Ouais, oui, bah écoute. Donc, c'était magnifique. Vraiment pour la passion de la scène, quoi. Absolument, absolument. Donc, voilà pour ce qui est de mes anecdotes les plus récentes, en tout cas. Écoute, en tout cas, merci, parce que de toute façon, t'as pas beaucoup d'expérience. Ça fait combien? Ça fait 4 mois? T'as fait 4. Tu m'as dit au total 4 mois où t'as joué à peu près On va dire 4 mois parce que j'ai commencé il y a à peu près un an, mais avec tout le confinement et tout, voilà, c'est comme si j'avais joué 4 mois, ouais. Bien sûr. D'accord, donc 4 mois, mais voilà, ça t'a pas empêché malheureusement d'avoir des galères, mais on en a tous, hein, à partir du moment où tu montes sur scène, tu t'exposes à avoir des galères, mais c'est quand même des galères intéressantes parce que au final, ça nous permet d'en rire après. Ah bah carrément. Voilà. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, sur Instagram et Facebook. Donc sur Instagram, c'est Thiem, donc tiré du bas T-Y-H-E-M. Et sur Facebook, tout simplement sur ma page Thiem, simplement comme je l'ai dit juste avant. Autrement, vous pouvez retrouver, je ne sais pas s'il sera sorti à ce moment-là, mais j'ai lancé mon podcast s'appelle Parole Retour, où j'ai invité justement Sofiane ici présente. C'était un plaisir d'y avoir participé. Et c'était un plaisir de t'avoir accueilli. Plaisir partagé. Et donc ça s'écrit, donc c'est une parole. Hein, c'est ouais, c'est une parole. Parole, retour, les deux au singulier. Quoi. Ouais, voilà. Parole retour au singulier. Mmh. Et après, je vais avoir, si tout se passe bien, mon spectacle qui va être joué à la Drôle de Scène le 19 juin. Génial. Mais ouais, et toutes les infos seront sur mon Instagram, sur ma page Facebook. D'accord. Je mettrai tes réseaux sociaux dans la description. Parfait. Et puis voilà, ben écoute, merci beaucoup d'avoir raconté tes anecdotes. Merci, merci à toi. Avec nous. Merci avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.